Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruel jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, je critique les foules, je t'observe, j'essaie de te comprendre, je t'apprécie de tout mon cœur parce que tu es beau, chers auditeurs de CISM, quand tu vas voir des spectacles. Je t'aime aussi quand tu écoutes la radio. Je t'aime tout le temps et j'aime la foule. Ça, ça fait beaucoup de monde. Ouais, j'aime l'être humain en général, ça aide beaucoup pour Critique de Crowd. Et j'aime les gens, j'en parle déjà tout de suite parce que je crois qu'il y aura une certaine dose d'hédonisme à cette émission-ci, puisque c'est vraiment par hasard que je suis allée au New Speak voir un spectacle organisé par Concrete. Je dis un spectacle, mais quand c'est un DJ set, je sais... Ouais, appelons ce spectacle parce que c'est Critique de Crowd. Mais autrement, ce sera coup de cœur francophone et là aussi coup de cœur... Ah, plein d'amour, plein de gens. Effectivement, il y a de la crowd pour bien des spectacles. Je suis allée voir Pandacide Tendre. Je suis tombée plus ou moins par hasard sur Le Charme. Je suis aussi allée voir Les Ghouls. Encore, me direz-vous, chers habitués. Effectivement, encore. Et ça se passait au Club Soda. Sinon, ça se peut que je manque des bouts. Ah oui! J'ai aussi vu Charles White à la Vitrola. Alors, ça fait bien du contenu, bien des petites critiques aussi parce que je suis pas toujours restée tout le long des performances de tous et chacun. Mais il y a évidemment beaucoup de bonheur. Et, pour ceux qui sont déjà abonnés sur la page Facebook de Critique de Crowd, je ris parce que je vous ai posté un peu en avant-midi une photo que j'ai prise dimanche dernier. Il y avait Asking Alexandria qui était en spectacle au Métropolis. Déjà en partant, je pensais plus que ça pognait encore ce band-là. Et, et effectivement, c'était complètement... je ne suis pas du tout d'actualité. Il y avait une file d'attente assez incroyable à 3 heures l'après-midi, tandis que le spectacle est quoi, à 8 heures. Et personnellement, ça m'a fait un drôle d'effet parce que les gens avaient vraiment le même style que les emo dans le temps que j'étais au secondaire. Alors, je me suis dit, il y a des choses qui se perdent pas dans la vie. Et... Et autrement, ça m'a donné l'occasion de vous mettre des chansons un peu bruyantes. Non, pas du tout dans la même metalcore qu'Asking Alexandria. Groupe, metalcore, ça m'a rappelé aussi que c'est une famille large. Parce que, ouais, personnellement, c'est pas tant mon genre. Mais j'ai décidé de vous commencer l'émission avec des groupes, oui, qui rentrent dans le tas. Et... Coup de cœur francophone, ça donne des chansons avec le mot coup et concept. Alors, tout ça en même temps, sur les ondes de la marge, Barrasso avec la chanson coup de D. Et ce sera suivi avec Full Blood, coup de pelle. Lost. Séchard Trifluvien de Full Blood. Cette chanson qui se retrouve sur l'album Full Blood, c'est Coup de pelle. Et vous avez aussi entendu Coup de dé, Barrasso, qui se retrouve sur leur album DX, des croix puis des pointillés. Vous écoutez Critique de Crowd avec Jolene. Et j'ai mentionné comme 1000 groupes et 1000 artistes, on dirait, en présentation d'émission. Et oui, quand c'est coup de cœur francophone, ça fait bien des shows à voir. Et d'où la raison aussi qu'il y a autant de critiques. Petit retour sur coup de cœur francophone. Ce n'est pas la première fois que je fais la critique de l'événement, mais bah, c'est toujours agréable de se rafraîchir la mémoire. D'autant plus qu'ils fêtent leur 30e anniversaire. Bonne fête! Bonne fête à, ben, pas à eux autres exactement, mais quand même bonne fête à François Blain, Laurent Legault, Alain Chartrand et Pierre Larivière. Pourquoi? Ben, parce que c'est eux autres qui ont créé ça. Et paraît-il, la légende dit que en 1986 à Montréal, sur la rue Ontario, à Brasserie de la Salle, ben, ça a l'air qu'ils ont eu l'idée là. Puis l'année d'après, boum! Coup de cœur francophone existe. Fait qu'il y a des affaires qui se passent avec la boisson. Et... Sinon, c'est à tous les mois de novembre à Montréal. Il faut bien l'égayer, ce mois de novembre. J'ai jamais compris pourquoi le mois de novembre était autant mal aimé. C'est beau, ça sent les feuilles mortes, c'est sympathique, l'air est frais. Moi, j'aime bien me promener dans les rues de Montréal en novembre, mais il semble que, oui, l'air est bon, l'air est agréable. Et justement, c'est l'occasion de se promener parce que, en tant que tel, comme festival, c'est un peu... La comparaison me paraît un peu mauvaise, là, mais un peu comme Pop Montréal, dans l'optique où, en tant que spectateur, en tant que festivalier, tu le vis pas comme un festival extérieur comme les Francofolies. Ben ouais, tu vas d'une salle à l'autre et tu pourrais tout simplement assister au groupe que tu aimes tant, aller voir leur spectacle et pas tant sentir le festival en tant que tel. Alors, on n'est pas... il peut y avoir des grosses affiches coup de cœur francophones. Oh mon Dieu, parenthèse! Moi, je trouve ça quand même drôle parce qu'ils les mettent sur des espèces de chevalets, comme des peintres, mais en même temps, ça me rappelle un peu quelque chose de scolaire. Ils sont comme tous bien présentés. On dirait qu'on va avoir un cours de coup de cœur francophone. Ceci est la fin de ma parenthèse. Fait que bref, mis à part quelques... Ben oui, les dépliants, oui, on voit que c'est annoncé coup de cœur francophone. Ça reste un spectacle, disons, en bonne et due forme, à l'ESCO, au Quai des Brumes, au Divan Orange, au Lion d'Or, au Club Soda, je dois en oublier, mais comprends bien que, oui, c'est des endroits que déjà Critique de Crowd fait la critique souvent, les visite souvent. Alors... c'est tout simplement agréable de voir un festival qui book des bands de la marge qui passe beaucoup à CISM. Je trouve que c'est surtout ça. C'est une belle occasion de montrer, l'audace, l'émergence, la création. C'est beau, c'est beau. Et peut-être, petit fait à souligner, parce que, on peut pas tant le constater. On est à Montréal, on est en plein coup de cœur francophone. Mais depuis 1995, il y a le Festival Itinérant. Et par un réseau pan-canadien, il y a à peu près 175 spectacles qui se fait dans 45 villes canadiennes. Puis aussi, il y a des bands qui viennent de... l'international depuis cette semaine. Alors, voilà, c'est plus grand qu'on puisse le croire, coup de cœur francophone. Fait que oui, je trouve ça bien agréable. Ce sera à suivre pour la combinaison. Moi, je suis allée voir Tendre et Pandacide, qui ont quand même un aspect psychédélique commun, bien agréable. Mais le fait que je butine d'une salle à l'autre, de spectacle à l'autre, je marche, ça fait aussi en sorte que je crois que il y a certaines combinaisons de spectacles que je perçois moins. Je vais en reparler... en deuxième partie d'émission, c'est à suivre parce que, non, justement, non, je ne suis pas allée voir Gasoline parce que oui, je butine et oui, j'arrive en retard et oui, je manque, entre guillemets, les premières parties parce que là, c'est vraiment un double plateau, le Gasoline et les Ghouls, je crois, qui devaient attirer tous les deux bien les gens. Alors voilà, Gasoline, je les ai pas vus, mais je les aime bien, alors on va écouter la chanson L'amour véritable est aux rebelles qui se retrouve sur leur album Brûle ensemble. Les assis, des champs, des morceaux de vitre dans mes yeux. Gasoline sur les ondes de CISM. Brûle ensemble, c'est leur nouvel album et la chanson s'appelle L'amour véritable est aux rebelles. J'espère que vous avez bien apprécié parce que j'ai point la critique. Et c'était dans un club soda à moitié plein que je suis allée voir les Ghouls. Je dis à moitié plein puisque le balcon n'était pas ouvert. Au parterre, il y avait de l'espace. Mais, ah mon Dieu! Que d'ambiance, ça, il n'en manquait pas. Ça comblait l'espace tellement les gens étaient heureux d'être présents et qu'ils aiment les Ghouls. Ah, chers Ghouls, leur album, leur tout dernier album, Coma. Oui, et quand même, j'ose bien croire que c'est aussi en l'hommage du fait qu'ils ont arrêté un petit bout, 9 ans pour être bien plus précise. Fait que je crois qu'il y a aussi cette espèce de nostalgie de « Ah, mon Dieu, on s'ennuyait d'eux autres! » Ou dans mon cas, ça fait quoi, la 3? Troisième fois que je les vois en un an, c'est pour rattraper le temps perdu parce que ben oui, le temps qu'ils étaient actifs, ben je les avais pas vus en spectacle parce que je sais pas, habitant en région, la vie. Puis après ça, ah non, ils existent plus, puis je pleure, puis je les verrai jamais de ma vie. Puis après ça, ben me voilà encore en train de critiquer les Ghouls. Pour ceux qui écoutent souvent l'émission, j'espère que t'es pas tanné d'entendre mon anecdote parce que je ne peux pas associer les Ghouls au fait que je saigne partout à Sala Rossa, puis parce que je me suis cassé le nez en passant. Puis la dernière fois, j'y suis retournée voir les Ghouls, c'était à Laval. Les Lavalois, peut-être, ont-ils le sang plus tranquille dans leurs veines. Fait que c'était, oui, plus assagi comme foule. Parce que la première fois, j'étais étonnée, moi, du niveau, entre guillemets, de violence. Je dis entre guillemets parce que là, tu sais, on n'a pas à faire un gros mosh pit, là, on s'entend. Mais il y a quand même une certaine intensité que je trouvais plus élevée que la musicalité. Tu sais, je me dis, voyons, le monde sont bien intenses. Et même en observant la foule, ben je me rappelle plus tout vos t-shirts crowd, mais entre autres je me souviens d'un gars avec une tuque de Napalm Death. J'ai l'impression que les amateurs des Ghouls ont des allégeances poêles métalleuses qui peuvent peut-être amener à une brutalité plus grande que la musique en tant que telle, parce que c'est un peu le cas. Mais voyez-vous, je suis retournée dans le pit justement pour me réconcilier avec les Ghouls et je n'ai pas eu mal. C'était fort agréable. Même que première chanson où j'arrive dans le pit, je trouve que la force dans les bras est quasi absente. On a plus affaire à que, ouais, pit très sympathique, punk rock, où on saute, on s'amuse. Quelque chose d'un peu léger. Puis ensuite, ça a été la chanson Piranha qui se retrouve sur leur plus récent album. Puis ouais, là, ça rentrait un peu plus au poste. Fait que j'ai fait OK. Mais je crois vraiment que c'est par rapport aux autres goûts des amateurs des Ghouls qu'il y a une force supplémentaire. Mais pour cette fois-ci, contrairement à ma toute première fois, fort blessante, je trouve que la force était plus modérée. Peut-être que le nombre de participants et la disposition faisaient en sorte que, oui, ça faisait qu'il y avait une certaine force, mais c'était bien accessible pour tous. Un pit vraiment au centre de la salle, centre avant même, petit, concis, qui va quand même avec la musique. Alors, dépendamment d'une chanson à l'autre, il est plus ou moins présent et les techniques à l'intérieur vont être aussi quand même dans une certaine variété. Si je peux me permettre, là, une liberté dans les mouvements des thrashers. Crowd, je spot, oui, ton t-shirt de métalleux, mais je spot aussi ta face, tout simplement. J'ai reconnu quelques visages, alors je crois qu'il y a des gens qui ont... Bien, évidemment, les Ghouls ont fait beaucoup de tournées cette année avec leur retour, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent aussi. Et là, c'est le moment où j'extrapole, tu sais, je t'invente une vie, cher spectateur, parce qu'il me semble qu'il y avait une gang que j'ai reconnue. J'ai reconnu de chez reconnu, là. Et ils sont un peu poivre et sel, mais ils sont téméraires comme des adolescents. Ils sont comme puis ils boivent, puis ils s'amusent, puis ils s'énervent plus que la moyenne. Ils sont dans le tuage, genre du début à la fin. Ils sont... Bon, intense serait pas le bon mot, mais bref, ils s'amusent allègrement. Et c'est là où c'est ma part d'interprétation, mais j'ai tellement l'impression que c'est comme leur moment, tu sais, comme un concentré de fun punk pour eux autres, comme dans le bon vieux temps. Tu sais, ça leur arrive moins souvent, fait qu'ils en profitent plus quand ça leur arrive. Ou tout simplement, c'est des hardcore fans des Ghouls, fait qu'ils sont juste intenses, point. Je ne pourrais pas dire, mais moi, je les trouve très beaux et très drôles à voir. Question spectacle, étant donné que c'est pas la première fois que je les vois... C'est le moment où je pourrais être déçue, mais étant donné la théâtralité des ghouls, je crois que ça pardonne bien des choses. Keith, il répète toujours les mêmes blagues, puis les mêmes commentaires. Je te le dis en secret. Tout d'un coup, ça gâche un punch, mais que t'es vraiment en spectacle. La joke Bobby Bazzini, André Waters. Je la comprends toujours pas exactement pourquoi on répète tous en cœur André Waters. C'est drôle, je la comprends pas, c'est drôle. Et il la répète à chaque fois, autant que dire que en 9 ans, on n'a pas changé, puis qu'on est encore des alcooliques avec nos biberons. Les commentaires, bref, ils reviennent. Puis au début, j'étais un peu triste de me dire que c'était exactement la même chose. Puis, le fait que ce soit costumé, qu'il y ait une esthétique autour, je pense que ça pardonne cette espèce de... Ce n'est pas venu à son esprit spontanément dans la tête de Keith, hélas. Mais la mémoire étant une faculté qui oublie, je sais pas si celle-là est une nouvelle blague ou tout simplement... c'est tout simplement que je m'en rappelais plus. Quoique, des fois, ils font aussi une joke de Behemoth, puis ils l'ont pas fait. En tout cas, moi, je l'ai pas entendu. Mais ils ont fait une imitation de Pearl Jam. Je les ris vraiment beaucoup parce que, confession, je suis pas tant fan de Pearl Jam. Fait que rire de Pearl Jam, ça m'a fait encore plus rire. Fait que je me suis dit, soit je m'en souviens pas, fait que je la ris encore, fait que tant mieux. Soit elle était nouvelle, puis encore tant mieux. Et dans la foule, le trash est sympathique. Je trouve que le monde sont beaux. Je dis métalleux, poêle, mais il y a aussi, des hippie punk. Et justement, durant la chanson « Montre-moi ton fétiche », je crois que quelqu'un dans la foule, son fétiche était l'exhibitionniste parce que une demoiselle s'est mis en brassière et finalement, elle a fait comme « tant pis ». Elle a décidé de vivre librement sa nudité de poitrine et continuer à trasher. Moi, personnellement, je ne l'ai pas croisé dans le trash, fait que j'ai pas été comme à faire comme « oh, je fais attention où c'est que je mets mes mains ». Et quelqu'un, je crois, voulait... être gentil. Là, il faut que je finisse ma phrase, sinon ça va avoir l'air louche. Il l'a soulevé, tu sais, comme il l'a pris par la taille, puis elle a tendu ses bras vers Keith, puis elle était vraiment heureuse, puis j'ai senti que les deux vivaient un moment, là, c'était beau, puis il y a eu une complicité. Le seul moment, c'est quand elle est montée sur scène, puis on savait plus trop si elle voulait monter sur scène, si ça comme a donné de même. Là, tout le monde a fait comme, est-ce qu'on est en train de vivre ce moment-là? Parce qu'elle n'est pas restée longtemps non plus. Pas par timidité, par gêne. Vraiment juste comme, ça va pas durer. Fait que, chose que, il arrive toujours des moments un peu étranges. La première fois que je les ai vus à Sala Rossa, il y a une fille qui a fumé sur scène. Je crois qu'il y a un certain niveau de je m'en foutisme et je fais bien ce qui me tente. À un moment donné, à la fin de cette des ghouls qui se passent. Fait que cette fois-ci, ça aurait été durant fétiche. Ça a les passions. Alors voilà, toujours une expérience unique, agréable et cette fois-ci moins douloureuse pour Critique de Crowd et j'en suis fort heureuse. J'ai envie de t'en passer tout de suite des ghouls, mais on va attendre parce qu'on va passer tout de suite aux publicités parce que c'est de même la vie sur les ondes FM. Fait qu'on écoute ça drette là, vous écoutez Critique de Crowd, à tout de suite. Du 16 au 19 novembre, M pour Montréal présente sa 11e édition. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Martha Rainwright, Rowanland, Busty and the Bass, Ryan, Quarry, Migration Sound System, Tommy Cruz, Croy, Brandon Canning, Michael Leroux, Yann Perrault, Hot Chip DJ Set, Idal, Darcy, Caspian, Ben I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal, du 16 au 19 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com. Salut, c'est Louis-Philippe Gingras. Juste te dire, je viens de sortir un nouveau record qui s'appelle Troisième rangée, un album rempli de trompettes et d'amour. Tu vends de l'amour pas cher, deux cœurs pour le prix d'une artère. Mr. Freeze, Frozen Peas, pis des bracelets, des signes de peace. Troisième rangée de Louis-Philippe Gingras, c'est un album bien chill. Salut les sportifs! L'Abreuvoir est fier de vous présenter tous les matchs des Canadiens avec nos soirées de hockey, les soirées lancées Kunta! Avec en plus un tout nouveau menu pour les fins palais, le retour de nos fameuses ailes de poulet, 10 ailes pour 5$, des pichets de bière à 12,75$, des entractes animés par nul autre que moi-même, Michel Kunta, prix à gagner, shooters gratuits, bière gratuite. Écoutez, que la saison aille bien ou qu'elle aille mal, ne vous inquiétez pas, parce que L'Abreuvoir et moi, on sera toujours là avec nos soirée de hockey. C'est un rendez-vous! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Karim Ouellette, Les Goules, Belton Telegram, Laurence Narbonne, Fudge, Saratoga, Violette Pie, Pontex, Cliché, Samito, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Regina Spector de retour à Montréal, la tournée de son nouvel album Remember Us to Life en vente dès maintenant. Regina Spector le dimanche 5 mars au Métropolis, billets en vente le vendredi 4 novembre à midi. Chaque achat d'une paire de billets inclut une copie du nouvel album Remember Us to Life. Ne manquez pas Regina Spector en concert. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Pour une petite finale gangsta. Dynamite! La dynamite. la conversion des sauvages avec la chanson Dans les granges. Et vous avez aussi entendu Les Ghouls. Ben oui, j'hésitais encore sur quel classique j'allais vous mettre et j'ai décidé de vous passer Dynamite, tout simplement parce que au spectacle, ben ils nous ont fait répéter bien de façon aiguë Dynamite! Paraît-il que Keith est plus capable de les faire aussi aiguë que jadis. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai passé la conversion des sauvages, puisqu'ils seront en spectacle vendredi à l'ESCO. Effectivement, dans le cadre de coup de cœur francophone, tout est dans tout. Et ils vont jouer avec Moussette. Mais oh! C'est... J'ai l'impression de me faire de l'autopromotion pour ma propre fête. C'est parce que, voyez-vous, un ancien de la station, un vétéran, devrais-je dire, Pascal Jean, et moi, on a un gros point en commun. On est nés la même date, pas la même année, puis c'est pas mal. Le seul point, c'est que c'est comme le 12 novembre, c'est pas mal notre point en commun. Et là, il y a dit « Jolene, qu'est-ce qu'on fait pour notre fête? » J'étais comme « Oh boy, qu'est-ce qu'on fait pour notre fête? » J'étais comme « Hey! » Bon, on va aller voir la conversion des sauvages, ça va être sympathique, ça va être beau, ça va être à l'ESCO. Et ça va être avant les rénovations de l'ESCO, pour ceux qui l'ont toujours pas vu passer sur les internets. Non, l'ESCO ne ferme pas, ils vont rénover. Fait que janvier, puis quelques mois, là, 2-3, bref, ça va être fermé, on va être un peu triste, mais pour le mieux. Fait qu'on va souligner tout ça en même temps. Souligner l'ESCO, souligner la conversion, puis souligner nos fêtes vendredi. Fait que soyez-y, Critique de Crowd, je sais pas, elle va être comment, mais Jolene, elle va s'énerver, parce que c'est sa fête. Sur ce... Spectacle de la semaine. Ce soir, lancement bien attendu, chocolat, ça se passe au Matari Loft. Vendredi, t'auras bien compris que c'est l'ESCO pour la conversion des sauvages. Je vais arrêter de revenir là-dessus. Vendredi! Aïe, aïe, aïe! Encore coup de cœur francophone. Ben, ok, parce que, tu sais, ça dure jusqu'à dimanche, après tout. Alors, c'est Violette Pie avec Mon Doux Seigneur au cabaret du Lion d'Or, situé dans Hochelaga-Maisonneuve. Je te recommande aussi le cabaret Donne la patte au Atomic Café. Il va avoir Martel solo avec Dave Chose et La Maison de Velours. Dimanche, Bolduc tout croche. Yes, je l'aime tout le temps. Fait que soit ça va danser, soit on va être assis à terre puis on va prendre ça relax. Dans tous les cas, c'est une belle soirée avec le beau Simon. Et il va avoir aussi George Well. Ça se passe à l'ESCO. Lundi, je ne connaissais pas ce groupe qui est Candiria. Et mon Dieu, quand j'écoutais ça, j'ai capoté. Là, c'est comme un mélange de rap, metal, art. Alternatif metal, metalcore, madcore, jazz, fusion, death metal. Bref, mon cerveau a un peu capoté. Fait que si tu y vas, ramène donc un compte-rendu à Critique de Crowd. T'écris dans le Facebook, les internets, tout ça en même temps, puis ça va super bien. Puis je suis bien heureuse d'avoir de tes nouvelles, chers auditeurs. Ce spectacle-là se passe au bar Le Ritz PDB. Mardi, bruit de criquet, j'ai... J'ai rien trouvé, mais j'espère vraiment beaucoup pour ma fête recevoir le livre « L'analyse des spectacles » qui a été écrit. Là, c'est le moment que je prends ma feuille puis je fais du bruitage. Non, j'ai pas le nom du gars, mais si je peux vous donner une belle description, c'est « Redonner au spectateur confiance en son propre regard, une confiance qu'il n'aurait jamais dû perdre. Telle est l'ambition de ce parcours à travers les spectacles et quelques manières de les contempler. » Bref, ça a l'air d'être un bel essai qui va complètement convenir à Critique de Crowd. Fait que mardi, j'espère l'avoir déjà reçu pour pouvoir passer la soirée lire. Finalement, mercredi, c'est gratis. Il y a Posters, Of Course, puis l'Amalgame, Ragers, tout ça au Club Soda. Ouais, méchante belle soirée. Fait que je vais essayer de faire un tour. Finalement, ben, ça va être ça pour cette semaine. Il n'y a pas de finalement, pantoute. Fait qu'on va continuer en musique. Tant qu'il a parlé de leur lancement chocolat, on va en passer. Ah ouais, c'est la première position du palmarès francophone. Et on va commencer aussi en rock avec Bardo, Loin, 13e position. We'll be right back. tu pourras connaître. La soif, la faim, la terreur et l'ennui. Au plus haut sommet, regardez au loin, au-delà des hommes. Je sais que tu sais que je sais que tu l'as écouté plein de fois, cher auditeur de CISM, puisque tu écoutes la station souvent et qu'elle est bien appréciée. C'est pas pour rien qu'elle est en première position. Oh ouais! Chocolat, un album concept à écouter vraiment du début à la fin. Rencontrer Loulou! Et vous avez aussi entendu Bardo avec la chanson Loin, 13e position. Et c'est sur leur album Apologie des États seconds. Pour toutes les autres positions du palmarès francophone et anglophone et instru, c'est ISM893.ca. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui, oui, est en plein coup de cœur francophone, mais qui a fait un arrêt à la Vitrola. Bon, là, je me fais rire moi-même parce que, je suis pas restée, jusqu'à la fin parce que, justement, je voulais voir d'autres spectacles dans ma soirée, mais il y avait le visionnement du documentaire Atomic Living in Dread and Promise avec la bande sonore de Mogwai et le tout, les profits allaient à Worst Child Canada. Et en première partie, il y avait Charles White et je suis arrivée pour sa performance. Et vraiment, ça a été... Pourquoi mettre des mots? Ben, parce qu'on est à radio, ça, c'est pas pire. Mais pourquoi ne pas vous en passer à la place? Oui, on avait affaire à du drone. C'était bien ambiant, bien relax. Je suis arrivée, puis il était déjà en prestation. Et... C'est fou l'effet que ça me fait. J'en reviens pas. Je suis pas la plus grande connaisseur du drone, ses artisans, ses courants. Mais pour tous les spectacles que j'ai vus, que ce soit à la Passe, au Red Bull Music Academy, au Fairmount, c'est toujours des expériences comme... Mon cerveau, il fait ça. Il est comme complètement libéré. Je suis arrivée. Ça faisait même pas 30 secondes, je suis assis à ma petite chaise. Quelques personnes en ont déjà arrivé, qui sont sur place, assis. On s'entend que ça va être calme. Pis moi qui décroche. Man, c'est fou, là, ça me prend même pas comme... C'est ça, ça prend même pas 30 secondes. Je vois le gars, il fait ses patentes avec ses machines, sa guite. Moi, je décroche complètement. Je suis comme complètement absorbée. Complètement comme obnubilée. Il y avait des projections... il y a des projections d'igloo. De fleurs pis de papillons. Et mon cerveau, il était comme vrai. Il était quand même au moment, le moment présent. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça dans la vie, tu sais, reconnecter avec eux-mêmes. Ah, le moment présent. Je te dis, écoute, du drone, ben, ça fait de l'effet, là, ça n'a aucun sens. Moi, je pensais plus à rien. Ouais, j'avoue que l'igloo m'a fait décrocher. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis où en ce moment? Il fait pas frette. Mais. Je sais pas, ouais, c'est fou l'effet que ça me fait, je deviens complètement absorbée, puis c'est merveilleux. Fait que juste pour ça, je suis vraiment contente d'être passée à Vitrola, juste pour vraiment décrocher, ça a été relaxant. J'étais assise sur ma petite chaise, puis j'oubliais tout, ça a été beau, ça a été parfait. Fait que n'importe quel événement, je vous le suggère, chers auditeurs de CISM, me semble c'est toujours des expériences où j'en ressors bien. Hey! Douceur, douce, détendue, coco beurre. détendu Coco Bar et ça se retrouve sur leur album In and Out of Time. Vous écoutez Critique de Crowd, Jolene, CISM, tout ça en même temps. Et je suis vite sur mes patins où je fais de la course modérée rapide de la Vitrola jusqu'à l'Esco pour assister au spectacle de Tendre. Là, c'est le moment. Et tu vois comment je suis un peu choquée, mais je m'en retiens. Ouais, je suis toujours un peu comme choquée quand je vais vous voir, cher Ben, mais t'as pas de musique qui est enregistrée. Et je comprends là, la complexité de l'enregistrement et les coûts et tout ça, et la vie, ok, oui. Mais bref, je vais vous en parler, mais je pourrais pas vous en passer. C'est plate, hein, chers auditeurs? Fait que, en attendant les tunes, voilà au moins une au moins une critique de ce groupe, ouais, Tendre, Garage Psych Pop, tout ça en français, et... Je ne les connaissais point, mais je connais bien l'Esco. Et surtout ces temps-ci, il me semble que je fais beaucoup de critiques de crowd à l'Esco. C'est drôle parce que, mais ça, j'ai des moments de carence, là. Je vais jamais comme pendant 6 mois après ça. Boum! J'y vais comme deux fois par semaine, là. Ben, c'est coup de cœur francophone aussi, là, tu vas me dire. Et effectivement, ça fait qu'on le fréquente plus parce qu'il y a vraiment des beaux bands bookés à l'Esco dans la programmation de coup de cœur francophone. Fait que, en plus d'être allé plus souvent ces derniers temps, je constatais davantage la différence dans la crowd. Oui, qu'on peut retrouver habituellement à l'ESCO et la crowd attirée par les groupes programmés par coup de cœur francophone. Ça a l'air drôle peut-être dit de même, mais ouais, je sentais la différence. C'était très, très crowded, là. Je tiens à le mentionner, là, à l'ESCO, ça peut être plein vite, mais là, c'était plein. C'était plein. Ben, ça aurait pu être plus plein, mais écoute, de la misère à passer, il y a bien du monde que je ne croise pas d'habitude là-bas, me semble. Des gens, ben oui, des beaux visages que je reconnais aussi, mais je suis comme, ça fait longtemps qu'on s'est vu, je te vois jamais par ici, c'est bien sympathique. Fait que de la belle crowd, beaucoup de crowd, de la crowd plus jeune, et... pas très tapageur, c'est assez tranquille. Je sais pas si c'est le psy qui fait que les gens sont posés. Et c'est, ouais, question crowd, il ne se passera pas grand chose. Ce qui est particulier, c'est la distance entre le groupe et la foule. Elle est nombreuse, donc il y a une certaine attraction avec le groupe, je dirais même les groupes, parce que en temps des pandacites, j'ai pas senti de différence dans la quantité et ni dans les visages. C'était relativement les mêmes gens qui étaient restés pour les deux groupes. Et ouais, c'est quand même distant, mais une bonne distance. Le bon fameux demi-cercle de gêne. Tu sais, celle où tu veux pas être collé sur le ben, c'est sûr que le stage est pas très haut, fait que si t'es collé, t'es comme pas mal face à face. Mais même là, j'ai trouvé ça, peut-être une certaine forme de détachement. Et aussi le fait que ça bouge peu. J'accuse la musicalité aussi de pas amener tant d'action dans la foule, pas tant de danse. Et c'est pas grave, c'est pas là l'essentiel non plus d'un spectacle. L'important, c'est la musique, de l'apprécier. Reste que j'essayais de voir toutes les fameuses différences qu'il pourrait avoir entre la passivité, l'immobilité, l'inaction, ou ce que je pourrais appeler, puis c'est pas du désintérêt, là, c'est plus comme un détachement de la foule par rapport aux événements. Oui, ça pourrait être du désintérêt, comme quand t'es dans le fond de la crowd, tu bois ta bière, puis tu parles fort, tu ris des jokes, là, bon ben, là, j'avoue que c'est du... là, c'est pas mal du désintérêt par rapport à l'événement, là, ça, c'est assez certain, mais justement, là, c'est pas le cas. Oui, ça jasouille, mais c'est juste que ça bouge pas. C'est pas immobile non plus, mais le fait que ce soit... tant nombreux, tant qu'il y a des gens, j'y vois énormément d'attractions. Fait que voilà, je crois que j'accueille simplement la musique, parce que sinon ça applaudit, c'est généreux. Et on a été bien généreux aussi de chercher le capot de guitare tous en groupe. Fait qu'il était perdu. Je pense que c'est comme quasiment la dernière chanson. T'es comme, où est-il? Là, quelqu'un qui fait comme, joue des barrés! Et finalement, il n'aurait même pas eu besoin de jouer des barrés, là. Fait qu'on a retrouvé le capot. Oh, bonne fin. Fait que c'est ça. Tant on enregistre des tunes parce qu'on a hâte de diffuser ces ondes de CISM. Fait que d'ici ce temps-là, on va écouter tout de suite Pandacide. C'est son EP, le premier, plus tendance garage. J'avoue, c'est mon préféré. Et je pense que j'ai mis ma chanson préférée aussi, École. Ta mère veut que tu sois prof dans une école, mais tu préfères vivre sur l'alcool. Tu prends ton temps, tu perds ton temps. La drogue, l'école. École de Pan d'acide qui se retrouve sur son EP. Je pense que ma phrase préférée, c'est vivre sur l'alcool. j'en ris, mais elle peut être incroyablement vraie. Ah, vilaine débauche. Vous écoutez Critique de Crowd qui vous parle de Pandacite parce qu'effectivement, je l'ai vu en spectacle. Ça donne bien. Il jouait à Perret Tendre que je viens de vous jaser. Et oui, c'est plus slacker psychédélique à star sur ses nouvelles chansons et on les passe souvent à CISM. Alors, j'ose croire que tu les as déjà entendues parce que cher auditeur de CISM, t'es aussi un cher auditeur de Critique de Crowd. Ça va tout ensemble. Fait que je pense qu'on a des points en commun musicaux. Tout le monde en suit. Et comme j'ai mentionné, même crowd à peu près, même distance aussi avec la scène, même énergie dans la foule. Le chanteur s'est avancé peut-être au début de son set, peut-être deuxième chanson. Je dis avancé parce qu'il n'a pas tant foncé dans le tas là, parce que c'était... C'était beaucoup trop mou comme mouvement. Tu sais, c'était « Ouais, j'avance dans le monde. » Tu sais, un peu genre « Je m'en fous, mais je te donne pas des coups de coude non plus, là. » Fait que, oui, il y a une certaine mollesse dans le mouvement. Alors, on dira « S'avancer, tailler sa place, mais mollement. » Alors, pas de pique. Ça a été, oui, un moment où j'ai bien aimé cette proximité avec la foule. Ça venait aussi un peu spontanément, un peu « je m'en fous de ma bière, je te la fais boire dans ta gueule direct ». Oui, c'était un peu une ambiance rock, mais sans la frénésie. Ouais, tu sais, le monde n'était pas fou, là. Il n'y a pas comme une électricité, comme « Ah! » Puis tout le monde capote, puis on a envie, justement, de garocher sa bière à bout de bras, que tout le monde soit trempe, donner des coups de pied, sacrer tout! Tu sais, il y a vraiment plus... Non, là, c'est plus mollo. Plus mollo comme... Oui, il y a une coupe de mouvement, puis pas par beaucoup de monde. Peut-être des hochements de tête, ça, je l'ai pas noté, fait que ça doit pas être tant marquant. Mais plutôt, quelques-uns qui avaient un mouvement de haut de corps, quelque chose de... Encore une fois, quelque chose de... C'est une mollesse, mais une mollesse assumée et affirmée. Ça veut dire, tu sais, comme il y a... C'est pas qu'il y a la vigueur dans le mouvement, mais juste que c'est de même, ça se file, puis c'est de même, ça se danse, cambré. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de... quelque chose de Jello style, mais pas tant parce que c'est pas si mou que ça, justement. Alors, j'irais avec une expression qui n'a aucun sens. Si j'avais des mots à mettre sur les mouvements de danse durant Pandacite, ce serait plutôt comme du jello convulsif modéré. Pense à ça dans ta tête, cher auditeur. Fais-toi une image, puis c'est à peu près ça qui se passe. Mais pas trop souvent, puis pas tout le temps. Oui, c'est ça la crowd durant Pandacite. Ça, puis il est resté des décorations d'Halloween, fait qu'il y en avait un qui était grand, en tout cas plus grand que moi, parce qu'il pouvait comme... Il y a les lattes de bois, là, puis il y avait une guirlande avec des toutous de fantômes, fait que des fois, il taponnait avec... C'était ses mouvements de bras de la soirée. Fait que, encore une fois, ouais, effectivement, c'est pas des grosses actions de foule, mais étant donné le nombre de chances, j'y vois encore une fois beaucoup d'attractions, beaucoup d'intérêt pour le groupe, et pour le nombre de mouvements qui était quand même plus grand pour Pandacite, oui... Une certaine envie de gesticuler, de gigoter. Ah ouais, donc. Hey, on va continuer avec Lumière, que j'ai pas partout vu, mais j'y croyais vraiment très, très fort, parce que il était à la programmation du Quai des Brumes, parce que le show a fini de bonne heure en passant. D'habitude, à l'Esco, il y a comme 3 bennes, là, il y en avait juste 2. Alors, ça finit à minuit, j'étais comme, oh mon Dieu, la soirée est jeune! Fait que je pensais aller voir Lumière au Quai des Brumes, mais c'était pas ça pendant tout. Fait que je t'explique pourquoi. Mais on va écouter Lumière. À l'heure où s'ajuste l'existence, je n'ai plus peur de personne. Je deviens transparence visible. Pareil à ces mirages, je veux mourir de vivre. Moment où s'allonge les silences de ma parole qui résonne, je m'envisage dans l'espace livide. puisque la vérité révèle mon éclairage, lui réfléchit. L'instant où je touche la substance, je la réchauffe de ma sangle. J'ai fait de moi un piège lucide. Et à mes yeux, un miroir, un reflet d'absolu. Lumière, c'est toi. Je l'ai répété trois fois avant la chanson parce qu'effectivement, c'est Lumière, la chanson Lumière sur l'album Lumière. Et c'était tout en lumière aussi, qui était le Quai des Brumes, ou en absence de lumière, ce qui mettait en valeur la lumière, très tamisée avec la boule disco, les reflets, ça tamisait, c'était bleuté, les petits, pas des lampions, mais les petits bougeoirs là, sur les tables rouges. Ah, belle ambiance! Mais c'est pas pendant toute lumière! Non! Ben, je crois qu'ils ont été rajoutés à la dernière minute parce que, voyez-vous, dans la belle programmation papier de coup de coeur francophone, ben, Lumière, ben, il est tout seul. Puis finalement, pas en tout, il y a Le Charme qui sont venus faire une coupe de tounes. Le Charme que vous avez peut-être connu sous le nom Le Charme discret de la bourgeoisie, ou tout comme moi, vous le connaissiez pas du tout, même si ça fait 12 ans qu'il existe. Désolé. Mais je suis heureuse de ce que j'ai vu très, très rapidement, tout simplement parce que c'était pour moi une critique de crowd bien habituelle du Quai des Brumes. Les gens étaient assis, c'était calme, les gens étaient à l'écoute. Ça jasait pas tant. Au bar, me semble que ça jasait moins que d'habitude. Encore mieux. Tu vois, il y a comme une hésitation. Je sais pas si c'est le fait qu'ils ont été bookés peut-être à la dernière minute ou plus ou moins à la dernière minute, puisqu'ils ne sont pas indiqués à l'horaire. C'est le mélange des genres lumière que vous venez d'entendre et Le Charme que nous allons entendre, qui est plus post-rock. Et il y avait, c'était beau. Je trouve que l'ambiance avait quelque chose de très feutré. Et là, tu sais, comme il y a des moments lourds qui rentrent, puis je trouvais que ça faisait des belles oppositions, mais. Paraît-il, je n'étais pas présente pour Lumière, mais je me suis fait rapporter que ça détonnait un peu qu'il y a des gens qui sont pas restés pour l'autre groupe. Je trouve c'est sûr que c'est un peu triste, puis on pourrait accuser peut-être les choses se font un peu à la dernière minute, mais il y a certains choix comme ceux-là dans la programmation qui peuvent faire comme « Ah ouais, on les fait jouer ensemble. » Comme Sherlock et Horloge Chimard qui ont joué samedi. J'ai pas pu être présente, c'était sold out. Mais je connais Horloge Chimard, ils sont complètement fous là sur scène, ça n'a aucun sens, ça dérape, il y a de la bière partout. C'est un gros party d'exagération, puis le monde vire complètement sur le capot. Puis en même temps, Sherlock qui est plus pop rock, ben les faire jouer en deuxième, tu dis « Ih! » Ça, c'est difficile pour un groupe. Fait que déjà, musicalement, des fois, de faire des mélanges qui peuvent être soit audacieux, soit un peu à mes connaissances de cause. Des fois, ça peut être un peu triste aussi de mélanger un peu trop puis que ça soit au désavantage du groupe puisque la foule, des fois, ne va pas nécessairement suivre. Enfin, je pourrais pas dire, pour moi, l'instant que j'ai été là pour Le Charme, j'ai trouvé ça bien, mais pour critique de crowd, ben, je voulais pas vous jaser de monde assis pendant 5 minutes. Fait que voilà, à la place, on va en écouter. Thank you. montagnes pesaient sur mes jours. De tous ces éclats, le bruit de l'espoir sonne comme toujours. Et si j'atteins la fin du monde, quand cette chanson « Rêve de feu pour les jeunes humiliés », c'est une chanson du Charme, le Charme, sur leur nouvel album « Fitzcarraldo ». Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui pensait que sa soirée allait se terminer comme ça, bien doucement, bien, ouais, avec de la bonne musique, bien évidemment, mais bien doucement, comme avec les transports en commun, tout va bien, ah! Mais parfois, la vie me fait bifurquer mon chemin. Je suis dans le métro, tout simplement, et en tant que bonne paresseuse, j'aime ça m'asseoir, moi. J'aime pas ça être debout dans le métro, jusqu'à m'asseoir des fois à terre, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, il y a comme un siège de prix entre comme du monde qui ont pris comme trop d'espace. Fait que j'avais l'impression de m'immiscer dans leur groupe complètement. Fait que là, je m'excuse, je m'assois, et accidentellement, je suis un peu dans leur conversation, puisque là, ils sont un peu mélangés, ils savent pas trop s'il faut qu'ils arrêtent à Sherbrooke ou à Berry-UQAM. Sherbrooke, Berry-UQAM! Là, tu vois mon imitation très, très mauvaise de français. Effectivement, c'est des Français. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont... Ça fait 6 mois qu'ils sont à Montréal, mais assez pour pas savoir exactement où c'est qu'ils s'en vont. Là, j'étais comme, mais c'est la prochaine, Sherbrooke! La prochaine! C'est la prochaine! La Berry-UQAM t'attends encore! Tu vas être correct! T'es correct, mon grand! Après ça, j'ai compris qu'il allait au Newspeak. Je dis, mais là, ça, c'est sur Sainte-Catherine. Mais en vrai, c'est pas exactement sur Sainte-Catherine. C'est comme une petite rue, là. Tu vas voir, tu ne manqueras pas. Bref, je donnais les indications et c'était un peu accidentel, encore une fois, qu'ils me disent, hey, c'est quoi que tu fais à soir, toi? Mais toi, ben, ils ont pas dit toi. Quoi qu'ils commençaient à pogner l'accent, il y en avait un, il est resté un bon bout en Gaspésie, fait qu'il me parlait de ses histoires de pêche. C'est pas des blagues. Et, je fais comme, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai complètement comme changé les planifications de ma soirée où sagement j'allais me coucher à comme 1h du matin. J'étais comme une bonne heure pour se coucher. En plus, j'ai pu prendre le métro, c'est le fun. J'aime tellement prendre les transports en commun puis pas comme courir tout Montréal. Et c'est là que je me suis dit que c'était un choix hédoniste. C'est la philosophie avec laquelle on choisit par plaisir. Mais bon, ça, c'est avec des recherches peu fiables, vous allez me dire, parce que c'est Wikipédia. Reste que, en relisant sur le sujet un matin, j'ai bien aimé ce paragraphe que j'ai envie de vous partager, chers auditeurs de CISM. C'est « Ainsi, il n'y a pas d'hédonisme sans discipline personnelle, sans connaissance de soi, du monde et des autres. » Alors, l'hédonisme qui est la curiosité et le goût pour l'existence d'une part, mais d'une autre part, l'autonomie de pensée et non la croyance ou la foi. Et je trouve que, oui, ça me correspondait à ce moment-là et ça me correspond encore. Mais oui, c'est toujours des choix que je me trouve toujours un peu drôle. Je les connais pas. Je les connaîtrai jamais parce que, je me rappelle même pas de leur nom. Il y avait un gars qui s'appelait Fox, puis je me disais, voyons, comme Fox et Rookie, genre, ça se fait pas, c'est pas ton vrai nom. J'aurais pas, elle me disait, ça n'a aucun sens. Mais c'est d'une simplicité, de ces amitiés éphémères de crowd que je me suis dit, pourquoi pas? On va être dans un lieu public, on va dans son Newspeak. Ça se passe, c'est correct, c'est le fun. Et c'est... Je sais que c'est le genre de... Quand je dis bifurquer, c'est vraiment juste parce que c'est pas le planning de ma soirée, mais aussi que des fois, on peut avoir une certaine vision négative de l'inconnu. L'inconnu fait peur, le noir, l'obscurité, les hauteurs. L'inconnu, ça réfère à beaucoup de peurs bien viscérales pour l'être humain. Le méconnu, c'est, ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi rempli de surprises ou tout simplement d'une soirée où il y a plus de danse, effectivement. Ouais, le Newspeak, c'était pas la soirée la plus crowdée que j'aurais pu vivre. Ou peut-être juste, moi, je suis allée comme 2-3 fois dans ma vie. C'était pas tant crowdé quand j'y pense. Que c'était à la hauteur du Newspeak que je connaissais habituellement. Mais je trouve ça, je sais pas, des fois, je me dis, c'est-tu ma face? Tu sais, on me le fait comme, hey, elle a l'air sympathique, elle a l'air de vouloir bouger, allons danser, amusons-nous. En plus, je trouve, ouais, je sais pas, c'est peut-être le timing parmi cette crowd de Français. Il y en avait une, justement, elle était un peu, triste, c'est un grand mot, mais elle était comme, j'ai vécu une histoire avec un Québécois, je suis triste, il faut aller fêter pour s'amuser, changer les idées. Puis de vivre ce moment-là, je ne la connais zéro et j'ai déjà une part de son intimité que... Je partage durant cette soirée-là et d'un peu de cette façon du moment présent, mais qui finalement n'aurait été qu'éphémère, n'aurait été que, ouais, très, très minime dans son existence à elle et la mienne, surtout que, ouais, j'ai l'impression d'avoir été un fantôme dans le passage de leur existence. C'est comme, ils vont jamais me revoir. À part si on se recroise dans la rue, parce que non, on s'est pas donné 2 becs, tu sais, joue pas de téléphone, juste comme hey, viens danser, on danse, on s'amuse, puis que ça avait vraiment aucun rapport à ma soirée, et je trouve toujours ça incroyable, ce rapport-là qu'on peut avoir avec la crowd, mais ça part aussi d'abord et avant tout en sa confiance, oui, en soi, puis aussi envers les autres. Et pourquoi on danse? Je sais pas. Finalement, je me demande pourquoi j'ai dansé ce soir-là. C'est complètement... C'est beau et c'est absurde en même temps. Alors, pourquoi on danse? Faudrait faire la vaisselle, en ont fait une chanson. quitte la place. Je veux oublier que je suis payé en petit gaz. Rends-moi si tu penses ici. Remets tes souliers, on s'en va danser toute la nuit. On fera vibrer tout ce qu'on a de liberté. Un grand mot si tu quittes le bord. On pensera chez nous se claquer un verre de fort. Ouais, pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Ouais, c'est vrai, on est à trace. Ouais, pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Ouais, c'est vrai, on est à trace. Facile d'oublier, t'accordes pas en premier. Ah, c'est pas facile d'oublier, t'accordes pas les premiers à danser. C'est pas facile d'oublier. À danser sur le rivage. Oh, une flotte c'est faite pour te porter. Mais la bain comme faux, faux carton en flamme et yeah. Oh, pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Oh, c'est vrai, on est en transe. Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Pourquoi on danse? Oh, c'est vrai, on est en transe. Oh! Pourquoi on danse de Faudrait faire la vaisselle sur leur album French et des goûts à Almos. Peut-être je vais pouvoir vous expliquer pourquoi on danse au Newspeak avec tout plein de DJ, mais ce sera pour une autre semaine. C'est à suivre parce qu'à Critique de Crowd, ils sont longs les anecdotes. Je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Pour toute suggestion ou viens voir tel Ben avec moi parce que c'est malade, ben t'écris sur le Facebook de Critique de Crowd, ça va faire bien plaisir de te répondre. Fait que là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.